Mesdames, messieurs, faut pas faire chier, même si j'ai l'air d'affreliqué. Une fois que je suis énervé, je pourrais bien vous défoncer. Je ne veux pas que vous m'approchiez, ça me rendrait très irrité. Si je vous laboure de coups de pied, eh bien vous l'aurez pas volé. Ceux qui me parlent, je le fais buter. J'ai des amis très haut placés, ils sont de moi si effrayés qu'ils exaucent toutes mes volontés. Je suis bougon, je suis colère, je suis ronchon, je veux de l'air. Écartez-vous si vous n'êtes pas fou, laissez passer, faut pas me stresser. Que t'as le vieux à sourire comme ça, toi tu ne me connais pas. Si tu tiens conservé tes bras, tu ferais mieux d'arrêter là. J'entends bien que vous observiez ces lois, d'ailleurs vous n'avez pas le choix. Celui qui ne les respecterait pas se ferait disséquer quelle fois. Je ne veux pas de regard sur moi, ni de paroles, ça va de soi. Les écrits je ne les lis pas, laissez-moi vivre pour une fois. Je suis ronchon, je veux de l'air. Écartez-vous si vous n'êtes pas fou, laissez passer, faut pas me stresser. J'en pouvais plus, c'en était trop.